une histoire particulière. Hier, dans le premier épisode de notre histoire du week-end, nous apprenions qu'un drame s'était joué à Draguignan en 1999. Le 14 juillet exactement, les habitants de Draguignan découvrent que pendant la nuit, l'enfant à la bulle de savon, le tableau de Rembrandt estimé à 4 millions d'euros, a été volé dans le musée municipal de la ville. C'était le joyau de l'établissement. Le voleur, Patrick Vialanex, 28 ans, un homme sans histoire, entretient une bien curieuse relation avec le tableau de Rembrandt. Le coup de foudre, il l'a eu à 13 ans, en visitant le musée. Cette rencontre, c'est le début d'une passion qui va progressivement tourner à l'obsession jusqu'à ce jour où il décide de le dérober. Juliette Hilaire et François Test vous racontent la suite tout de suite dans le second épisode. Le tableau « L'enfant à la bulle de savon » de Rembrandt a été volé au musée municipal de Draguignan. Il est estimé à 20 millions de francs. Le ou les voleurs ont profité du défilé du 13 juillet pour s'introduire dans le musée. Selon les enquêteurs, les malfaiteurs recherchaient spécifiquement ce tableau. Un Rembrandt dans le placard, par Juliette Hilaire et François Test. Aujourd'hui, le revers de la médaille. Une fois qu'il a le tableau, sa vie va se transformer en cauchemar. Il disait que ce tableau, c'était un peu son enfant, et en même temps que l'enfant du tableau, c'était lui. Après avoir volé le tableau, il en est vraiment devenu le prisonnier. Fasciné par l'enfant à la bulle de savon de Rembrandt depuis ses 13 ans, Patrick Vialanex passe à l'action le 13 juillet 1999. 15 années se sont écoulées depuis sa première rencontre avec ce tableau exposé au musée des Beaux-Arts de Draguignan, dans le Var. Désormais âgé de 28 ans, l'envie est devenue trop grande. Ce tableau, il le veut. Sidéré par l'œuvre, il a certainement été victime du syndrome de Stendhal. La veille de la fête nationale, il met à profit son expertise en alarme pour se faufiler dans l'enceinte du musée et y dérober l'objet de son désir. Il ne le sait pas encore, mais son rêve exaucé va bien vite se transformer en véritable cauchemar. Maintenant tout à lui, comment protéger la peinture? S'improviser conservateur n'est pas une mince affaire. Ravages et délabrements peuvent venir de toutes parts, et c'est alors l'ordinaire qui devient une menace. Au fil des ans, la passion va aller jusqu'à la déraison, et d'inquiétude en inquiétude, causer la perte de Patrick Vialanex. Comment ça se passe ce premier soir avec ce tableau, Sylvie Maton? Ben, il est en état d'extase totale. Donc, il va sortir le tableau très délicatement du sac. Et là, il va faire 5 polaroïdes, dont un selfie. Ça ne s'appelle pas comme ça, mais voilà. Et je pense qu'il a réussi à s'endormir à un moment donné, mais comme quelqu'un qui se fait un shoot d'adrénaline mortel, quoi. Comment se passent les premiers mois avec ce tableau? Le lendemain, il vit un truc un peu particulier. Toute la ville bruisse de l'histoire. Tout le monde en parle. C'est sur la première page des journaux. Et on lui demande même son avis. Il a vécu tout ça dans un état de schizophrénie avancé, bien sûr, parce que c'est un secret qu'il ne pouvait partager avec personne. Donc c'était la solitude la plus extrême. Mais en même temps, quel bonheur quand il rentrait chez lui de pouvoir déballer, parce qu'il y avait le rituel quotidien, il emballe le tableau, il le préserve de tout. Il est devenu le gardien de ce tableau de Rembrandt. Il a toutes ces sensations physiques en lui. C'est au-delà de la passion amoureuse. Je crois qu'il n'y a pas de mots. On dit Grégoire Allais, hein? Oui, tout à fait. Comment je vous présente, en fait? Conservateur du Musée des Beaux-Arts. Conservateur du Musée des Beaux-Arts. Ouais, tout à fait. Le musée est en travaux, mais on va essayer de refaire le parcours avec vous qu'a effectué Patrick Vialanex quand il s'est rendu dans la salle pour voler le tableau. D'accord. Alors néanmoins, il y a quand même une petite difficulté, c'est que moi je n'étais bien sûr pas là quand il l'a volé, parce que j'avais 10 ans. Moi je ne suis pas du tout drassénois, on appelle comme ça les habitants de Draguignan. Je suis normand, donc je ne connaissais pas du tout le vol à cette époque. J'ai eu connaissance de cette histoire quand j'ai souhaité venir ici pour travailler. Et j'ai vu que ça avait fait un retentissement fou à l'époque. On volait ce tableau qui était alors attribué à Rembrandt, fleuron de la collection. soi-disant. C'est un moyen format, plutôt petit, petit moyen format, qui représente sur un fond sombre, plutôt marron, un enfant représenté à mi-corps qui s'appuie, il me semble, sur une balustrade en marbre, qui est assez richement vêtu, assez joufflu aussi, assez riche caloriquement, et qui développe, on va dire, une bulle de savon dans une coquille d'huître, il me semble, ou un coquillage, qui regarde le spectateur. La bulle, c'est assez important, on voit pas mal, c'est à la fois une forme parfaite, et en même temps, il y a du rien dedans. Là, c'est une vraie, c'est aussi la fragilité de la vie, de l'existence. Généralement, c'est pour rappeler que rien ne dure et qu'un jour, ça explose. Enfin, souvent, quand même. C'est un thème plutôt lié à la vanité, en fait, à la vanité des choses terrestres. Et quant à la tristesse, soi-disant, de l'enfant peint sur le tableau, vous en pensez quoi ? Alors, la tristesse, elle a été dénotée par Patrick Vialanex, je pense. Voilà. Alors, il faut aussi savoir que ce tableau, il était, comme beaucoup d'œuvres ici, extrêmement verni, extrêmement sale, très très sale, et donc très peu lisible, finalement. Et donc, en ce moment, il est en restauration, donc ça nous permet de le voir davantage, ce qui n'est pas forcément à son avantage à lui, ce qui est intéressant. Et moi, j'ai jamais vu de tristesse dans ses yeux, j'ai pas du tout de fascination pour ce tableau, vraiment, très très clairement. D'ailleurs, il est où aujourd'hui ce tableau ? Aujourd'hui, ce tableau, il est à Marseille, il est au Centre interdisciplinaire de conservation et de restauration du patrimoine, à la Belle Domaine. Bon, il figurera dans le prochain musée, mais c'est pour ça qu'il est en restauration, parce que toutes les œuvres vont être restaurées. Donc si on a toutes les œuvres restaurées et un tableau qui est très sale, c'est un peu dommage. Judy Cheminot, maître de conférence en philosophie à la Sorbonne Université. Dans le cas de Patrick Vialanex, c'est particulier parce que il y a ce trouble qui est finalement d'un degré pas si important que ça au moment même où il rencontre le tableau, mais comme il cultive ce rapport à cet enfant, hein, d'ailleurs il l'appelle l'enfant, comme il cultive ce rapport à cet enfant, comme il devient aussi le gardien, comme il le dit, de cette œuvre qu'il a avec lui, il entretient le syndrome, alors que c'est pas forcément évident que la magie subsiste à ce point-là. Donc là, il l'entretient et du coup, ça prend des proportions qui sont évidemment très importantes. Est-ce que le syndrome de Stendhal, ça peut être rapproché du sentiment du sublime ? Je pense, oui. Je pense tout à fait que ça peut être rapproché du sentiment du sublime. Le sublime étant ce qui est très très grand et ce qui nous dépasse et nous bouleverse, qui nous ravit, nous fait nous oublier. Vraiment un choc, hein, vraiment un bouleversement face à quelque chose de très grand, d'infini, qui ne rentre plus dans nos cadres habituels et qui de ce fait procure un plaisir mêlé d'une sorte de douleur et surtout un oubli de soi. Et alors, ce qui est très intéressant dans le syndrome de Stendhal, c'est que toutes les personnes, enfin tous les cas que j'ai pu avoir, qui l'ont ressenti, estiment qu'il y a un avant et un après. Une expérience qui est extraordinaire et qui opère un changement. Un changement qui ne va pas forcément avoir des conséquences directes sur le quotidien, mais tout de même un changement. Et donc dans le cas de Patrick Vialanex, ces premiers mois d'extase, de jubilation, d'impression d'être un homme nouveau, sont en fait ce que peut permettre le syndrome de Stendhal. Je pense qu'un syndrome de Stendhal bien vécu, d'une certaine manière, peut permettre une nouvelle vie. Au bout de 3 mois, il va rencontrer Christelle, qui devient la femme de sa vie, la mère de ses 2 enfants. Donc, le fait d'avoir une femme dans sa vie fait que les 3 mois en question sont les seuls 3 mois durant lesquels il a pu vraiment vivre pleinement, en totale plénitude, sa passion. Christelle arrivant dans sa vie et s'installant avec lui, le tableau doit être caché et ce n'est que dans les moments où, heureusement, elle travaille et lui, à ce moment-là, ne travaille pas. Donc, lorsque Christelle part, il peut s'offrir 3 heures d'extase devant le tableau. Il a une vie parallèle, c'est comme une vie extra-conjugale, mais qui est en fait presque la première, qui est presque sa vraie vie. Donc, ils vivent dans cette maison et puis un jour, ils rentrent tous les deux et ils se sont fait cambrioler. Et Christelle, il y a du bordel partout, Christelle est effondrée. Et Patrick court vers l'armoire dans laquelle est caché le tableau, dans sa housse, dans ses diverses strates de protection. Et le tableau est là, le tableau n'a pas été volé, donc il revient dans la pièce principale. Je lui dis, mais c'est pas grave tout ça, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Elle, elle veut quand même faire une déclaration aux assurances. Oh, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche des assurances? Enfin voilà, le... donc là, elle ne le reconnaissait pas. Il était un peu bizarre ce jour-là, effectivement. Et donc, suite à ce vol, il y a un tournant quand même dans la relation de Patrick au tableau. Il craint de ne pas être à la hauteur de la charge qui lui incombe, à savoir d'être un bon gardien du tableau. Cette anxiété va petit à petit s'installer en lui. Et à juste titre d'ailleurs, puisque donc dans la seconde maison, un jour, il saisit je ne sais plus quel objet de bois qui se dissout en poussière dans ses mains, avec des centaines de termites au sol. Et donc là, voilà, il sait qu'il y a des termites dans cette maison et ça deviendra son obsession. Il en suffoquera. Et il faudrait qu'il entende qu'il s'extirpe de la pièce dans laquelle il est pour foncer vers le tableau et l'entrouvrir, toucher, ressentir que le bois est en parfait état et n'est pas en train de se transformer en poussière. Et c'est d'ailleurs en l'ouvrant qu'il prend le risque qu'une termite s'immisce, entre dans le paquet. Donc là, il ne vit plus, donc ils vont déménager. Dans la troisième maison, c'est l'humidité qui gagne. Donc là, il craint évidemment pour le tableau, il craint surtout de trahir à la fois l'enfant et Rembrandt, et le père de l'enfant qui est devenu un peu son père, car il s'est beaucoup confié également à Rembrandt. Donc, rebelote, on déménage, et il déménage dans cette dernière maison dans laquelle je l'ai rencontré, maison très isolée, et là... des tocs vont vraiment se développer en lui. Et là, il va vraiment tomber malade. Il a un calcul vésiculaire qui va se transformer, parce que mal soigné, en pancréatite. Et là, il va souffrir, il va avoir des sondes, ça va durer des mois. Il vit un enfer, mais il s'en remet, il s'en remettra. Jusqu'à quel point, je ne sais pas. Face à une expérience aussi troublante, on peut être du côté, on va dire, du positif et de l'amour, qui, à mon sens, c'est ce qui s'est passé pour Patrick Vialanex, hein, même si c'est dans une relation très exclusive, puisqu'il garde le tableau pour lui, comme on peut être dans quelque chose de tellement insupportable qu'on peut en venir à vouloir détruire l'œuvre. Et donc, il y a en effet quelques cas d'individus qui ont détruit des œuvres d'art. Dans certains cas, c'est tellement insupportable d'être face à quelque chose qui nous perturbe autant qu'on a besoin de détruire le support, en fait. Hein, donc on peut le détruire, on peut en tomber amoureux, développer une obsession, retourner voir le tableau sans arrêt. Et puis aussi en venir à vouloir le détruire, parce que cette présence est trop intense, en fait, et insupportable. Olivier Manoni, traducteur de Peter Sloterdijk. On peut imaginer qu'effectivement, du point de vue strictement philosophique et pas du tout psychiatrique ou psychanalytique, il y ait une espèce d'ardente nostalgie de la bulle, qui peut être une nostalgie de la matrice, qui peut être une nostalgie de la relation primaire, par exemple avec la mère, qui peut être une nostalgie de la relation au monde protégé, c'est-à-dire dans un espace à la fois clos, extrêmement fragile, parce que ce sont des bulles, donc ce sont des choses qui peuvent éclater à tout moment. C'est pas une sphère en verre qu'il présente. Et Dieu sait qu'il y en a pourtant dans la peinture. Il aurait pu en voler beaucoup. C'est pas une sphère en verre ou encore pire en acier. C'est quelque chose d'éminemment fragile. On peut y entrer, c'est risqué. On peut en sortir, c'est risqué aussi. Mais ça crée quand même, quand on y arrive, un espace de protection, un refuge qui permet après de regarder peut-être le monde d'une autre manière. Cette histoire m'a fait penser aux hikokomori, vous savez, ces enfants japonais qui restent chez eux enfermés pendant des mois et parfois même des années. Ils sont très très nombreux au Japon. Ils sont enfermés dans une chambre qui est d'une certaine manière, au sens de Sloterdijk, la bulle parfaite, c'est-à-dire qu'ils ont un monde totalement clos où ils sont reliés avec l'extérieur par l'écume, c'est-à-dire par la voie d'Internet en l'occurrence. Et ces hikokomori, d'une certaine manière, arrivent à vivre leur impossibilité de vivre dans ce repli-là. Et vous pouvez tout à fait imaginer que ce voleur, mythomane, etc., tous les qualificatifs qu'on lui a prêtés dans la presse après le vol, et puis surtout après qu'il a avoué son vol, que ce monsieur avait simplement cette extraordinaire nostalgie, cet amour ardent de la bulle, et qu'en plus un enfant le lui offrait, c'est-à-dire que d'une certaine manière, il lui offrait un monde qui lui permettait de revenir lui-même à sa propre enfance. Françoise Gorogue, psychiatre et psychanalyste. Personnellement, je trouve qu'il y a une petite allure érotomaniaque dans l'amour de Patrick pour l'enfant. C'est-à-dire qu'il est persuadé que l'enfant l'aime. C'est pas seulement qu'il l'aime. Hein. Il est persuadé que l'enfant l'aime. Et au début, c'est un amour très réciproque. Et puis petit à petit, comme un érotomaniaque classique, qui commence par la phase d'espoir, il termine par un certain dépit, car l'enfant n'est plus du tout aimable et gentil avec lui. Sa fascination aboutit quand même à ce qu'à un moment donné, l'enfant qu'il adorait, l'enfant qui lui parlait, devient celui qui le traite mal, qui le maltraite. C'est là qu'il a raison de parler de sa paranoïa. Même l'enfant devient méchant. Non seulement on veut lui voler, non seulement on va le mettre en prison, mais l'enfant lui-même devient un salaud. Sylvie Maton, à quel moment Patrick Vialanex pense à restituer le tableau ? Alors, il pense à restituer le tableau lorsqu'il n'en peut plus. Quand il y a une sorte de violence qui s'abat sur lui. Donc, Patrick se remet de cette opération tranquillement assis au soleil. Lorsqu'un hélicoptère arrive à basse altitude et s'approche donc de sa maison, de son jardin dans lequel il est. Et là, il comprend que, ben voilà, on l'a retrouvé, on vient l'arrêter. Donc, il se lève et il lève les mains en l'air pour bien faire savoir qu'il se rend, que oui, il accepte d'être prisonnier, qu'il va ni fuir, ni combattre. Ils sont deux dans l'hélicoptère, il les voit d'assez près et celui qui ne pilote pas lui fait un signe en rigolant, le salut et l'hélicoptère part. Et en fait, c'est un hélicoptère de l'EDF qui vérifiait des installations EDF. Il faisait le tour de la région en hélicoptère. Et là, il comprend qu'il est arrivé au bout de ce qui est supportable. Et il décide que c'en est fini, que cette aventure s'arrête là, quoi. Je me demande si, plus que le vol de la bulle, c'est pas l'aveu du vol qui constitue, pour Vialanex, le moment où il change sa vie. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, on peut considérer que le moment où il avoue ce vol est le moment où lui change d'existence. C'est-à-dire qu'il met un terme à cette existence-là, il cesse d'être l'anonyme qui a volé la bulle et qui est vraisemblable dans la bulle pendant tout ce temps-là, pour ressortir au monde et dire « voilà, j'étais là, c'est moi qui l'avais, c'est moi qui avais ce cadeau, et maintenant je veux vivre autre chose ». Quitte à passer par la casse-prison. Et je pense que Sloterdijk aurait aimé cette histoire. Il n'en parle pas, mais je pense que ça l'aurait passionné. Je pense que Sloterdijk aurait pu voir quelque chose comme ça dedans. C'est-à-dire une sorte d'évasion pour reconstruire autre chose après la sortie de la bulle, ce qui correspond parfaitement à sa philosophie, en fait. Rebondissement dans l'affaire du Rembrandt volé au musée de Draguignan en 1999 et retrouvé il y a peu à Nice. On vient d'apprendre qu'en mars dernier, un quadragénaire, Patrick Vialanex, s'était rendu à la gendarmerie pour s'accuser du vol de l'enfant à la bulle de savon. Il a été mis en examen pour association de malfaiteurs en vue d'un recel. Amélie Lefebvre, vous êtes avocate. Vous avez défendu le cas de Patrick Vialanex. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre première rencontre avec Patrick Vialanex ? On est en 2014. Patrick Vialanex, je le rencontre pour la première fois au dépôt du tribunal de grande instance de Nice, au sous-sol, là où tous les détenus sont en attendant d'être présentés à un magistrat. Et je rencontre un petit monsieur, vraiment, qui a l'air gentil, qui n'a pas du tout l'air d'un délinquant, encore moins d'un cambrioleur qui aurait volé un Rembrandt dans un musée 15 ans auparavant. C'est vraiment monsieur tout le monde. Il a l'air absolument sans histoire. Et quand il me raconte ça, il m'explique qu'il était allé voir les gendarmes, qu'il a essayé de leur expliquer auparavant, que les gendarmes à l'époque lui avaient dit de rentrer chez lui. Parce que c'est vrai qu'en fait, Patrick Villanès, quand il vous raconte son histoire, on ne le croit pas. Ça a été une des difficultés de ce dossier d'ailleurs. C'était la crédibilité de ce monsieur qui vraiment ressemble à monsieur tout le monde, qui ferait pas de mal à une mouche, et qui vous explique que bah, tout simplement, oui, il a volé ce tableau, oui, il l'a conservé pendant 15 ans, et que là, vraiment, c'était trop de responsabilité, donc il a voulu le rendre. Et est-ce qu'il vous a raconté comment c'était après la vie sans le tableau ? Et oui, il nous a dit que c'était à la fois une déchirure, mais surtout un grand soulagement. Qu'il était véritablement soulagé que ce tableau ne soit plus chez lui. L'enfant à la bulle de savon est de retour au musée de Draguignan. Le tableau de Rembrandt avait été volé il y a 15 ans dans ce même musée. Pour être présenté en toute sécurité au public, le tableau estimé à 3 millions d'euros a été placé sous vitre. Est-ce que vous pouvez nous raconter du coup en détail comment il s'y est pris pour le rendre ce tableau ? Au début, il prend attache avec une personne qu'il connaît, qui pense pourrait l'aider. Et il lui explique qu'il a un tableau d'une grande valeur et qu'il souhaite le restituer. Il ne dit pas qu'il est le voleur de ce tableau. Cette personne revient vers lui peu de temps après pour lui expliquer qu'il existe un système en passant par des assurances. Je peux, en gros, rendre le tableau à un assureur qui va le restituer à l'État. Pour rentrer aussi dans les détails, il a reçu un chèque de la part de cet assureur. Patrick Villanex avait effectivement perçu un chèque de 40 000 euros. Cette somme lui a été présentée comme une prime parce qu'il a rendu ce tableau. Et c'est tellement naïf de sa part, d'ailleurs, qu'il le prend sous forme de chèque. Il n'y a aucun escroc un peu chevronné, même avec un peu de bon sens ou dans une logique de dissimulation, ne prendrait un chèque pour blanchir de l'argent. Et Patrick Villanex, lui, il prend un chèque à son nom. Voilà. Comment est-ce que Patrick Villanex va vivre ces deux années qui lui restent sans le tableau, Sylvie Maton ? Il va en mourir, hein, du manque. En fait, c'est comme si, ou en tout cas il a fait semblant sans doute, d'avoir accepté d'en être séparé. Il y a sans doute une déchirure en lui qui l'a marqué profondément. Mais en tout cas, il a fait semblant d'avoir compris plein de choses, d'avoir accepté le fait que ce soit une histoire aboutie, terminée, close. De quoi est-ce qu'il est mort, Patrick Villanex ? Alors, il est mort de mort subite. On ne sait pas très bien ce que c'est qu'une mort subite d'adulte, même d'enfant. Là, on parle d'infarctus, enfin de crise cardiaque, enfin, on peut raconter tout ce qu'on veut. En fait, il dormait. Il ronflait, comme tous les soirs. Christelle est descendue du premier étage où sont les chambres pour dormir sur le canapé, comme ça lui arrivait souvent. Et puis elle a été réveillée brusquement par le silence, genre un quart d'heure après. Et le silence l'a absolument tétanisée et elle a grimpé l'escalier 4 à 4 et il était mort. Patrick Villanex est décédé 2 ans après avoir restitué le tableau. On peut se demander, Olivier Manoni, si la fin de la sphère qu'il avait constituée avec l'enfant n'a pas été la fin du monde pour lui. La fin d'une sphère, quelle qu'elle soit, est la fin d'un monde. Ce qu'on peut se demander, c'est s'il y a possibilité de création d'un autre monde derrière. La mort des gens, c'est toujours extrêmement difficile d'interpréter les causes qui ont pu être à son origine. Ce qui est certain, c'est que là, visiblement, la création d'un deuxième monde échoue. C'est à peu près ce qu'on peut dire en se référant à Sloterdijk. Mais l'échec fait aussi partie de la philosophie des bulles. Tout peut échouer à tout moment, précisément parce que la bulle est d'une fragilité intense. C'est pour ça qu'on la désire, c'est parce qu'elle est fragile, et c'est pour ça aussi qu'on peut en mourir. De la même manière que vous ne pouvez pas dépasser un amour tellement ardent qui finit par vous brûler vous-même. Si le désir de ce tableau en particulier atteint des proportions telles, c'est qu'il y a un amour qui relève de ce qu'on appelle en allemand la Sehnsucht, hein, l'ardente nostalgie de quelque chose qu'on ne peut pas avoir en fait. De ça, vous pouvez pas sortir. Une fois que vous êtes entré dans la bulle, une fois que vous avez volé le tableau et que vous pouvez espérer retrouver cette quiétude, c'est comme ça que j'imagine les choses, cette paix, et que forcément vous ne la retrouvez pas, d'abord parce qu'il y a un vol, donc une violence, vous êtes en train dans la bulle par force, ça ne peut pas fonctionner. Une fois que vous y êtes et que forcément ce monde clos ne fonctionne pas parce qu'il est clos et qu'il ne peut que le rester, puisqu'il y a le secret en plus, si vous en sortez, vous faites tout exploser. C'est comme ça qu'on pourrait interpréter effectivement le fait qu'il soit mort si tôt après. L'enfant dans son tableau ne bouge pas. Là, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'éternité. Donc il reste tel qu'il est, alors que Patrick Vialanex, lui, évolue. Et peut-être qu'il y a quelque chose aussi de cet ordre-là dans le syndrome de Stendhal, c'est la difficulté à faire face à l'éternité, quelque part. À quelque chose qui ne bouge pas, à une présence sublime, à la très grande et à la très grande beauté, à la très grande présence de l'art qui ne va pas se modifier. Vous pourriez nous parler de cette idée d'un Dorian Gray inversé ? Alors en effet, on peut parler d'un Dorian Gray inversé au sens où dans le portrait de Dorian Gray, Oscar Wilde présente donc cette expérience très étrange d'un tableau qui vieillit alors que le personnage principal, Dorian Gray, reste éternellement jeune et éternellement beau. Donc là, on pourrait se dire que c'est un Dorian Gray à l'envers puisque le tableau reste éternel, ne bouge pas, reste parfait quelque part, alors que le spectateur, lui, Patrick Vialanex en l'occurrence, lui est pris par la matérialité, est pris par la vie, est pris par les maladies aussi, par le corps, d'une certaine manière. Cela étant, un portrait Dorian Gray à l'envers, c'est tout simplement l'expérience normale d'une œuvre d'art. L'œuvre d'art ne bouge pas et nous passons. Grégoire Allais, donc vous êtes conservateur du musée de Draguignan. Aujourd'hui, ultime rebondissement dans cette affaire, le tableau ne serait pas de Rembrandt. C'est un tableau qui est censé dater des premières années, des débuts des années 1630 chez Rembrandt. Et en fait, il y a des tableaux de ce début de ces années 1730 qu'on connaît vraiment bien de Rembrandt, qui sont vraiment beaucoup plus fins, beaucoup mieux peints. Il y a énormément d'incohérences. En réalité, quand vous regardez bien, l'enfant, il a le pouce dans la bulle. Enfin, donc il y a une vraie incohérence. Après, c'est vraiment un tableau qui rassemble des caractéristiques. Et il n'y avait pas vraiment d'études de la collection. Donc, si vous voulez, on vous dit que c'est Rembrandt, vous ne connaissez pas, vous vous dites OK. Et parce qu'il y a un fond sombre, parce que c'est à mi-corps, parce qu'il y a une chaîne en or, parce que Rembrandt aimait peindre les chaînes en or, OK. Mais comment il les peint ? Voilà, c'est plus ça la question. Il y avait quand même des paramètres stylistiques qui nous incitaient à nous dire que cet enfant était un peu bizarrement proportionné déjà. Il a des bras un peu bizarres, des bras assez petits, une tête assez grosse. Enfin, bon, il y a des petits problèmes de style. Et après, il y a quelque chose de beaucoup plus tranchant qui est que en fait, la nature de la couche de préparation du tableau est incompatible avec une peinture du XVIIe siècle. Rembrandt prépare ses tableaux d'une certaine manière, utilise certaines couleurs pour préparer ses toiles. On ne peint pas directement sur une toile. Et on sait qu'au XVIIe, par exemple, on va avoir plutôt des préparations rouges. Et au XVIIIe, plutôt des préparations grises. Voilà, et en fait, c'est plutôt une préparation grise qu'on a. À partir du moment où cette œuvre lui a parlé, que ce soit un Rembrandt ou que ce ne soit pas un Rembrandt, je pense que ça n'aurait rien changé. Son vol n'était pas vénal. Donc il aimait ce tableau et voilà, je crois que ça suffit comme explication. C'était Un Rembrandt dans le placard avec Sylvie Maton, auteure. Julie Cheminot, maître de conférence en philosophie à la Sorbonne Université, Françoise Gorogue, psychiatre et psychanalyste, Grégoire Allais, conservateur du musée des Beaux-Arts de Draguignan, Olivier Manoni, traducteur de Peter Sloterdijk, Archivina, Manuela Dubessy, coordination, Christine Bernard. Un documentaire de Juliette Hiller et François Test. Une histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain à 13h30 pour vous raconter l'histoire d'une petite fille qui a enfin retrouvé son nom.